que plus de gens étudieront attentivement quand ils font face aux paroles de Dieu et à son heure. Approchant ces paroles importantes avec un cœur pieux, ne suis pas les pas de ceux qui sont punis. Ne sois pas comme Paul qui connaissait la vraie voie, mais la défiée de son gré a perdu l'offrande pour le péché. Accepte sa nouvelle œuvre, sois la vérité qu'il donne. Alors tu pourras gagner le espère plutôt qu'ils seront sauvés, que plus de gens poursuivront ses pas, que plus de gens entreront dans le royaume de Dieu. Accepte sa nouvelle œuvre, sois la vérité qu'il donne, alors tu pourras gagner le salut. Justement, peu importe ton âge, ton ancienneté ou la souffrance que tu as endurée, son tempérament reste pour toujours inchangé et juste face à ces choses. Il ne favorise personne, mais se soucie du fait que l'homme accepte sa vérité et nouvelle œuvre. Laissons toute autre chose. Accepte sa nouvelle œuvre et reçois la vérité qu'il donne.